C'est le salon du livre de jeunesse. Une nette victoire pour les Belges sur l'Écosse, 2-0, mais tout s'est joué dans la dernière demi-heure. Sur lendemain d'élection, et ça bouge encore à Saint-Josse, notamment c'est Emir Kir qui devient bourgmestre. Et puis de plus en plus d'étudiants travaillent, une augmentation de 36% a été constatée en début d'année.